Dieu ma pile allongée sur mon lit, seule et sans une fille. La beauté de mes rêves, cette beauté parfaite qui s'adapte à mes doigts, qui sourit à mes gestes. Aujourd'hui c'est le jour de mon amour, l'amour est sans retour. Je le vois dans tes yeux, ton regard malheureux, sans savoir c'est le jeu, il se joue rien qu'à deux. Aujourd'hui c'est le jour de mon amour. Ton corps est comme une arme, un regard mignon tu frappes, sur le sol reste mon âme.